écoute un peu. Bonsoir. En manchette ce soir, mon coloc est métrosexuel. Je me fais passer pour Mike dans le métro et j'ai reçu des Pop Rocks pour Noël. Je vais m'en servir ce soir. Vous écoutez 70%. Sans bon sens, je donne le minimum. Je me sens comme un vrai homme, vive comme un pomme au maximum. 70%, c'est surtout Simon. Simon y est bon, c'est lui le patron. Simon, Simon, Simon, Simon. Oh oui, moi, Simon, Simon saumon, c'est moi le poisson. 70%, 70%. 70%, 70%, 70%. Yeah. Fort boulot, fort boulot. Touche-toi, Bruno, touche-toi. Ah ouais, tu le mérites. Hey, God. Les Pop Rocks. C'était beau. On est à 70%. C'est la prochaine session qui recommence. On a amené toutes sortes d'affaires de spéciales. C'était de le voir avec le micro et tout. Ils ont pas le volume, eux autres. Hein. Non, check ça. Background, j'étais en train de rechercher, bien sûr, des vidéoclips très intéressants quand je suis tombé sur une collection de trames sonores de porn. Ah oui, j'en ai moi aussi de ça. Ah ouais, pour vrai? Ben oui. Bon, ben, il va falloir que moi, je cherchais exactement ça, par contre, quand j'ai trouvé ouais, ça. Ouais, par hasard, Tommy, t'es tombé là-dessus. Non, mais pas par hasard, je cherchais une soundtrack de film porn. I swear. Exactement. Sinon, le show de ce soir, ça va surtout être ponctué de la présence de Jesse the Body, Jessica Le Sage. Yes. Qui s'occupe du coin bleu. Dans le coin orange, on a Bruno Corbin aux nouvelles. Toujours. Toi, Jess, quoi tu vas nous parler? Je vous donne de l'oxygène ce soir. Oh, c'est cute. Et puis, Étienne Forêt. Eh oui. Eh oui, c'est. Moi, je vous coupe le souffle. Eh oui, c'est celui qui s'assied le plus loin de moi. C'est des mesures défensives. Oui, il y a une vitre entre nous deux. Et puis moi, ça m'a fait plaisir de parler de Ninja 3, La Domination, un film de Sam Firstenberg qui date de 1984 et auquel j'associe plein de beaux souvenirs, on va s'en rendre compte. Sinon, ben, on va commencer, ça me fait plaisir de lancer ça ici demain. Moi, de Clash, j'aime ça depuis longtemps. C'est pas un groupe qui est fort sur les inédits, mais j'en ai trouvé un ici, ils ont comme fait chanter le fils sur Career Opportunities. Oh! Weirdo, on commence l'année à 70% avec ça. Je vous aime tous. Ah, là-bas, il y a Benoît, il y a une caméra. Eh oui. Gueule fort, Benoît, que t'es content. Ah, je suis content. Et voilà, il est content. T'es en compagnie de la poune. Oui, on va avoir bien sûr encore toutes sortes d'invités pour cette nouvelle année de 70% qui commence. Pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, bon, en fait, on va en avoir un tantôt. On va avoir J-Pin qui va venir nous parler de son documentaire. J-Pin va venir. On a peint ici en studio avec nous. Ben, quand même. Et voilà. Pour l'instant, The Clash à 70%. Yeah. Offered me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be? Do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never know. all of my school's rules. They just think that I'm a utter fool. Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you out the dock. Career opportunities are ones that never knock. Oi! Oi. Bus driver. Ambulance man. Ticket inspector. I don't understand. They're gonna have to introduce conscription. They're gonna have to take away my prescription. If they want to get me making toys, if they want to get me, I've got no choice. Career opportunities, the ones that never knock. Every job they offer used to keep you out the dock. Career opportunities, the ones that never knock. Careers, careers, career opportunities, the ones that never knock. Oh no. East, on ne sait pas où. Un village interdit, plein de ninjas, plein de... Est-ce que je peux être encore un loulou tonnerre? Ben certainement. Oui, en tant que vice-président du club des loulous du Québec... Ok, je te nomme président du conseil d'administration des loulous du Québec. Là, c'est, je suis au max. Ben mon nom, c'est Jacques Chevalier. Vous écoutez 70% à chaque FM. Là, si ça me prend une joke, je vais aller la chercher puis je reviens tout de suite. Qui, hein? C'est qui, ouais, le président? Ça, tu nous avais pas dit ça? Ah, ben, câlisse. Tu voulais pas nous intimider, j'imagine? Ben non, mais là, restons humbles devant la magnificence. Corbin? On y va en nouvelle avec des pop rocks dans la gueule. En allant travailler vendredi dernier, les conducteurs empruntant l'autoroute Palmetto en Floride ont dû éviter des chaussures. Selon le porte-parole de la patrouille routière de Floride, le lieutenant Pat Santangelo, à 7h42 sur la voie sud de l'autoroute, des milliers de paires de chaussures sont mystérieusement apparues. Les employés du département des transports ont réussi à dégager une voie en utilisant de larges balais. Puis un contracteur indépendant a été engagé pour ramasser les chaussures et les charger dans un camion. Personne n'a encore réclamé les chaussures. Eh ben, curieusement. C'est quoi, c'est une pluie crapaud, mais Dieu, il s'est mis au goût du jour. Ouais, c'est ça. Il a décidé de mettre des chaussures à la place, je suppose. C'est le nouveau fléau. Ouais, ça. Ça commence de même. C'est la 9e plaie. Donc, ouais. Il tombe des talons aiguilles, on va moins rire. C'est sûr. Là, c'est drôle pour l'instant, là. Ouais, mais on en rit. Ouais. Attendez. Oui, il commence doucement. Bon, il y a un peu plus d'un an, Alan Ball est allé à une fête pour le nouvel an. Il a beaucoup bu et s'est endormi sur le sofa. Au beau milieu de la nuit, il s'est levé et est allé rejoindre une fille en bas âge qu'il a embrassée sur les lèvres. Après un an, durant laquelle l'homme a perdu son emploi et n'a pu voir sa fille que pendant quelques visites surveillées, un juge l'a acquitté après que l'homme ait affirmé qu'il était somnambule lors des incidents et ne se souvenait de rien. Après avoir été examiné par deux experts, la famille de la jeune fille et la couronne a décidé de ne pas présenter de preuves contre l'accusé. Il a été somnambule dans le passé et il y a aussi du somnambulisme dans sa famille, même si Ball est soulagé. Le somnambulisme est utilisé de plus en plus comme défense. Oui, ben moi j'ai entendu un cas là, d'un monsieur qui a assassiné ses beaux-parents, ou en tout cas un des deux beaux-parents au minimum, là, en disant qu'il était somnambule, puis il a été acquitté. Ouais. Ben voyons. Donc il a été acquitté. Parce qu'il était pour parce qu'il était somnambule, il n'était pas conscient de ses actes, puis c'est ben pas là, sa faute. Va dormir dans une chambre sous clé pour le reste de sa vie. Ben, apparemment, ça, c'est ouais, son propre chef. Il n'y a personne qui lui impose quoi que ce soit. Okay, mais il devrait avoir des conditions, effectivement. C'est quoi, c'est le deuxième amendement qui lui donne le droit d'étrangler du monde? Ben, c'est pas vraiment un amendement, mais c'est le fait que quand t'es pas conscient toi-même de ce que t'es en train de faire, tu peux pas être reconnu. Quelqu'un dans tes rêves. C'est ça. C'est pareil! Mais sauf que là, ça se. Puis là, tu te réveilles, puis c'est vrai. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est comme ceux qui se font juger, puis qui jugent finalement son malade mentaux ou quoi que ce soit. C'est un peu la même chose. Exactement. Ils étaient pas conscients de, leur, ouais, de leurs après actions. Ça, il est en institut où il est surveillé, là. Il passe pas la nuit Ça dépend si c'est la temporaire, la folie temporaire. Ouais, t'as pas besoin d'aller en institut après. C'est de la folie ou temporaire. Si t'étais sous l'effet d'une drogue ou quelque chose. T'sais. Mais t'es traité quand même. Peut-être qu'il va se faire voir sous hypnose pour. Ou peut-être qu'ils vont juste lui donner ben gros gourou de café puis il dormira plus jeune. On comprend moins bien les. T'en as-tu une autre? Fais mal jusqu'au bout. Ben oui, on va y aller avec une plus soft un peu, la FDA, la Food and Drug Administration des USA. USA vient d'approuver un médicament qui fait agrandir les cils. Allergan contient un ingrédient actif qui originalement a été créé comme traitement pour le glaucome, mais qui comportait cet effet secondaire. Le médicament devrait être disponible en mai et coûter aux alentours de 120$ pour une dose d'un mois. Il faudra environ 4 mois avant que les effets ne deviennent apparents. Non, c'est pas cher. Non, c'est pas si cher que 500$. Quand on compare, mettons, à Rogaine, qui est quand même un médicament semblable qui fait repousser les cheveux, qui lui était un médicament pour la basse pression, je crois, à l'époque. qui peut causer de la haute pression, comme la pression secondaire. Ouais. Oh, c'est moi qui sonne, ça, parce que j'ai pas éteint mon téléphone. Ah, ben, c'est peut-être l'amour de ta vie qui t'appelle, là. Ouais. Tu pourras pas y répondre. Attends, je vais répondre. Okay. Allô? Ouais, Gogol, je fais mon émission de radio, il va falloir que je te rappelle. Ah, c'est Gogol Bordello, ça? Ouais, c'est Gogol Bordello. Il va falloir qu'il vienne à un moment donné à l'émission de radio. On va l'inviter. OK. Le numéro chez moi, oui, c'est bien ça. Peux-tu répéter? C'est bien quoi? OK, ben en tout cas, je vais te laisser parce que le monde me regarde là, comme si j'étais un gars qui avait pas éteint son téléphone cellulaire avant de rentrer dans le boot. OK, salut. Hey, bye là, Gogol. Salut. Ah, ben c'était Gogol Bordello. Voilà. Ouais. T'es plugué, là. Fait que, tu l'avais dit, Tom, qu'il aurait des invités. Ah, ben voilà. Ben merci Bruno, c'est quoi Étienne, tu vas nous amener au joyeux monde de la souffrance audio? Oui, mais avant tout, une petite pause. Après la pause, DJ Georges traverse l'enfer de la drogue à 70%. Carole Charon, conseillère couleur. Problème, mal de tête. J'ai l'impression que c'est de chaque côté de la tête, là, je reçois des coups de marteau. Connaissez-vous Tylenol? Pas du tout, non. Je doute vraiment que Tylenol soit efficace. Des études cliniques ont prouvé que Tylenol a assez de puissance pour soulager la douleur efficacement et sans déranger l'estomac. Comment vous sentez-vous? Je ne l'aurais pas cru. Tylenol a complètement effacé mon mal de tête. La prochaine fois que j'aurai mal à la tête, je prendrai sûrement du Tylenol. Et voilà, nous sommes de retour. Alors, aujourd'hui, je vous le dis, je vous l'avoue, je m'ouvre à vous tous, auditeurs et gens en studio. On parle de Tylenol? On parle pas de Tylenol. Non, ça, c'était une pause, là, ça n'a rien à voir. Il faut suivre. C'est son commanditaire. Ben oui, tu sais, je vais pas rien que parler du commanditaire. Non, en fait, aujourd'hui, je suis super déprimé. Puis la vie ne vaut probablement même pas la peine d'être vécue. Ça va mal, ma vie va mal, tout va mal dans ma vie. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Essayer de se reprendre en main puis retrouver le bonheur. Ou sinon, rendre tout le monde autour triste comme ça. On détonne plus, puis tout va bien, donc par défaut. Fait que j'ai choisi cette deuxième option-là, personnellement. Alors, j'ai décidé de vous faire jouer des tunes tristes aujourd'hui, ou des tunes où tout va mal aussi. Alors, on commence tout de suite par le grand classique de la tune qui parle de tristesse, parce que la tune elle-même n'est pas particulièrement triste. Il s'agit de Tony Massarelli, qui nous interprète ce soir « Je pleure ». Évidemment, il pleure parce que sa blonde s'en va. C'est pas mal tout le temps la raison de pleurer. Ce soir, je pleure sur notre amour. Je trouve ça romantique. On dirait qu'on est dans un restaurant italien. C'est vrai, hein? Est-ce que je peux prendre votre commande? Bon, je vais prendre des breadsticks. C'est bon. Je vais prendre Mix 96. Demain. Donc voilà, c'est un classique évidemment de la chanson triste pseudo-italienne sur l'air Do Sol et Mio. Là-dessus, j'enchaîne rapidement parce qu'on a rapidement fait le tour avec Michel Louvain qui nous donne ici un bon conseil dans sa chanson « Pleure ». Elle est un peu moins forte celle-là, faut booster un peu le volume. Si l'amour brise ton rêve, à jamais sans retour, ne t'acharne pas sans trêve, tout peut renaître un jour, ferme les yeux et pleure. Et voilà. Donc Michou ici nous dit, nous conseille de ne pas garder nos émotions en dedans quand ça va mal. Ferme les yeux et pleure, laisse couler tes larmes. Étrangement, je sens que moi, j'ai, en tout cas, moi, j'ai le goût de le faire là maintenant. Je sais pas vous autres, là, mais juste d'entendre ça. C'est déjà fait. Ça m'inspire. T'as-tu fait checker tes mains de chaque côté de ton visage? Oui. OK. Voilà. Fait que là, on sait qu'on peut se libérer comme ça, de cette façon-là. Maintenant, on va tomber encore plus bas dans la tristesse. Parce que on a ici, c'est pas juste quelqu'un qui a perdu son conjoint, mais c'est carrément une histoire triste d'infidélité. Il s'agit de Michel Richard. Oh. Oh. Quelle belle voix. C'est une histoire touchante. Voilà. Quand la pizza pochette de sa vie, ça me donne soif. En gros, l'histoire, c'est que le chum de Michel dit à Michel, j'ai du travail, sors donc sans moi. Fait que là, elle se dit, je vais aller au cinéma, me changer les idées comme ça toute seule. Et sur qui qu'elle tombe pas, son chum avec une autre fille. Ah! Ah! Hein? Ça, là, c'est qu'il faut vraiment pas être chanceux quand c'est même. C'est plus commun qu'on ne le pense. Oui. Ah, eh bien. Le mensonge est bien présent, mesdames et messieurs. Donc, voilà. Fait qu'une fois rendu là, elle voit ça. Puis son chum, lui, il la voit même pas. Donc, elle pleure tranquillement dans son coin. Puis rendue à la maison, remplie de honte, elle n'ose pas dire à ses parents la vraie raison de son chagrin. Donc, elle leur dit plutôt, quand le film est triste, ça me fait pleurer. Alors moi personnellement, quand la toune est poche, ça me fait bailler. Donc je vais passer tout de suite à la chanson suivante. Ah oui, une petite dernière, puis après ça on va saucer des nids. Insensible. Totalement. Écoute, je l'ai déjà déclamé, j'ai pas d'empathie. Je le redis encore une fois. Donc, et justement, parlant de manque d'empathie, on avait Michel Louvain qui, je suis pas sûr que son conseil est bon, qui demandait aux gens de pleurer. On a ici Chantal Perry qui nous dit exactement le contraire. Garde disons que t'es en train de pleurer quand mettons, ça arrive. Exact. Ben non, même pas. Laissons là, c'est difficile. J'ai essayé de te parler pour t'expliquer ce qui s'est passé. Tu as changé de numéro. Je te comprends. T'as le cœur gros. Je ne voulais pas. Moi aussi, je change de numéro à chaque fois que j'ai le cœur. Te faire pleurer. J'ai dû me laisser. Notre romance se termine ainsi pour une folie. Mais attention, voilà le conseil. On dit qu'un homme, ça ne doit pas pleurer. Pourquoi t'en fais-tu pour moi? Voilà, c'est ça. Arrête de brailler. Arrête de brailler, le gros. Crise de tapette. Passe à autre chose. Passe à quelque chose d'autre. Là, je t'ai sacré là pour quelqu'un d'autre. On comprend. Elle dit que c'est pour une folie. Elle s'est laissée emporter. Je reviendrai plus. Toi, reviens-en. Puis passe à d'autres choses. Donc, c'est ça. Fait que les hommes, si vous voulez conserver votre virilité, c'est ça qu'il faut faire. Là. Commencez pas à écouter Michel Louvain, qui est quand même pas un modèle de virilité. Non, écoutez Chantal Paris, qui est beaucoup plus un modèle beaucoup plus virilité. Ouais. Elle est couchée à 1. Ouais, non. Elle est capable de voler des... coucher avec plus d'hommes que Michel Louvain, mais je ne sais pas. Si, close call, moi, je pense. Ouais, mais Michel Louvain a commencé avant. Mais d'après moi, elle a dû coucher avec plus de filles que Michel Louvain, par exemple. Oh, mais là, on part quelque chose. Ah, mais ça, tout ça, c'était toujours pour dénoncer la convergence à chaque fois, comme et quand elle vole dans des grands magasins. Et voilà. Donc voilà, je reviendrai tantôt, il m'en reste plein d'autres. Merci beaucoup, Monsieur Forêt. J'espère que vous vous sentez plus mal. Oui, je pense que tu peux te sentir un petit peu mieux parce qu'on se sent un petit peu mal. Bon, à la bonne heure. On va souhaiter une bonne année à Liliane, d'ailleurs, Liliane Chute, là, qui est notre fan d'Outre-mer, qui a pris la peine de nous écrire. Oui. Cette Chantal Paris est pour toi. Exactement. Chantal Paris, c'est ça quand même, ça a un lien avec la France. Ouais. Paris-France. Parce que tous les Français sont parisiens. Exactement. C'est ce qu'on a appris. C'est comme ça. Il n'y a rien en dehors de ça. Non. Puis tous leurs appartements donnent sur la Tour Eiffel. Oui, exactement. Tout. Ouais, sur la Tour Eiffel et sur la Place de l'Étoile. Non, hey, attention, les généralisations faciles, on va tomber direct dedans une autre sorte. Ça va être celle des ninjas. Parce que ce soir, c'est Ninja 3, La Domination. C'est le premier film qui a été choisi. On dit d'ailleurs merci à David, un des motivés du brouhaha, qui nous avait amené la version française jadis, ce qui nous permet de l'écouter ce soir, tout le monde ensemble, les 10 à 15 premières meilleures minutes que le cinéma douteux a à offrir de mémoire d'homme. Sinon, ben Ninja 3, La Domination, Ninja 3, The Domination, c'est le numéro 3 d'un volet d'une trilogie. Oui. Avec Shou Kozugi, qui était effectivement, à l'époque, le plus haut maître mondial en ninjutsu. Puis ça a beaucoup aidé la diffusion du ninjutsu, le fait que le plus haut maître mondial ait accepté de... on dira pas prostituer son art, on va dire de le vendre au cinéma. Ouais, c'est tellement mieux de même. D'accepter de vendre son art au cinéma outre-mer, il a déménagé effectivement à LA pour faire des affaires-là. Lui qui était un Japonais, qui avait un anglais très approximatif. D'ailleurs, l'acteur ne parle que très rarement dans ses films. Est-ce que c'est vrai que seul un ninja peut tuer un ninja? Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que je peux te mettre ta phrase dans la bouche et ensuite tu ne fais que dire oui? Oui. C'est vrai. Tu l'as pas. Donc, Ninja 3, La Domination. Tellement de mes souvenirs sont associés à ce film de 1984. Je me souviens tout bambin que j'étais à Rouyn-Noranda. J'allais à la bibliothèque municipale en solitaire, toi, à 6 ans, pour écouter des films. La raison était fort simple. Là, personne ne s'assurait que j'avais l'âge approprié. Ben, bien que la classification des films se limitait alors à 14 ans et plus s'il y a des mamelons de filles, 18 ans et plus si ça bande, ma maman suppléait trop bien, à mon goût d'alors, aux méthodes de classement d'aujourd'hui. De cette époque, deux films m'ont marqué solide, soit The Wall d'Alan Parker, que j'ai vu à 6 ans tout seul dans une bibliothèque. Ouf! Ouais, c'est ça. Excellent long métrage qui me fit cauchemarder pendant plusieurs années et que je ne réussis à réécouter jusqu'au bout que vers mes 20 ans. Parce que j'avais pas été capable de le finir à l'époque, quand que les jeunes y tombent dans la machine à faire des saucisses. Ouais. Mm-hmm. C'était pas pire, Glums. L'autre, c'est... J'avoue. Ouais, hein, tu sais. L'autre, c'est bien entendu Ninja 3, La Domination de Sam Firstenberg, qui a aussi fait American Ninja 2 et tellement d'autres affaires. Ninja 3, La Domination, c'est LA pierre angulaire de toute ma fascination pour les ninjas. C'est dire comment ça tient pesant. Suite à ce film, je m'ai mis aux arts martiaux et il m'a fantasmé de gros contrats de meurtre de méchants, de missions secrètes, de pouvoir trop booster, pis tout. Là, vous voyez, là, c'est à 8 ans, là, c'est capable. Et puis quand je dis trop booster, c'est inspiré du fait que dans Ninja 3 La Domination, les ninjas sont forts. Les ninjas sont très, très forts. Comme le prouvent ces deux extraits montent en boucle, parce que ce qu'ils disent rend les ninjas un petit peu trop fort. On va se saucer dedans un petit peu. Seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai. Seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai. Seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai. Donc, seul un ninja... peut détruire un ninja. C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça, je me rappelle, on avait eu Gérald Larose à un moment donné en studio, puis on l'avait fait dire « Seul un ninja peut détruire un ninja avec nous autres. » Ça avait été assez beau. Je veux dire, sinon, quoi? Un rouleau compresseur doit être diplômé en ninjutsu pour pouvoir écraser à mort un ninja. Ouais, ben, oui. Sinon, si un ninja tombe dans des marches d'escalier, parce que ça doit tomber des fois, c'est un ninja. Non, ça tombe jamais. Non, mais ça tombe en roulant, c'est puis ça. Finalement, ça se reprend. Ben, admettons, un escalier ninja, est-ce que ça pourrait faire tomber un ninja dedans? Ben ouais, oui. Mais comment qu'un escalier fait pour graduer de l'Académie Ninja? Autre question pertinente. Sinon, ben, un gars qui est à mi-chemin dans sa formation, est-ce qu'il peut provoquer des comas chez des ninjas? Ouais, possiblement. Casser une jambe, disons. Mais peut-être qu'il peut le tuer, mais il peut pas le détruire. Et puis, tant qu'à moi, un coup de pied dans les couilles, même si t'es un être humain normal contre un Super Saiyan level 4, ça doit faire mal. Anis. Peut-être ouais, que les ninjas ont pas de couilles. Non. Non, ils ont des couilles d'acier. Peut-être qu'ils sont castrés. Aïe. La castration tellement des ninjas. De questions. Ce qui est sûr, c'est que Ninja 3, La Domination, ne répondra à aucune. Ce qui me fait amener vers... Parce que je vous ai dit, c'est les 17, ben en fait, les 10 à 15 premières meilleures minutes du cinéma, ce qui fait que ça parle très peu durant les 17 premières minutes. Ça va à 17 minutes 15. On se lance dans l'aventure. La fille a donc été retrouvée, elle a blablabla, vous allez voir. Elle est au commissariat. Là, De près de lui, rien non plus. Je vous ai dit que l'homme était mort quand je l'ai trouvé. Vous en êtes sûr? Écoutez, je ne l'ai pas examiné comme pourrait le faire un médecin, figurez-vous. Pourquoi toutes ces questions? Non, non, calmez-vous. Ce type a massacré une vingtaine de policiers et de civils. Il a aussi tué un homme de science très important. On ne sait rien de lui. Bon, la bouscule est pas trop. D'accord? Ouais, d'accord. Bien, mademoiselle Leader, vous pouvez partir, mais on aura encore besoin de vous. Mmh. Très dur, hein? Oui, merci, mais j'ai horreur du Coca-Cola. Je vous offre un café? Non. Un whisky? Une orangeade? Merci. Une pizza? Une glace? Un bonbon? Je suis désespéré. Des piles alcalines. On a des lingus. Sur cette séquence de flashback audio ici qu'on va voir en visuel au brouhaha tantôt, le ninja méchant se fait tuer avant de mourir en agonisant, donne son sabre à l'héroïne. L'héroïne reconnaît, de par les flashbacks de l'autre ninja qui sont tirés du film 10 minutes avant, des policiers. Il y a un de ces policiers-là qui tombe fou amoureux de la chimère. On va revenir là-dessus tantôt. Pour l'instant, on va aller écouter quelque chose qui date de quand que même moi et Étienne, on peut-être bandait pas encore. Je serais surpris, man. The Box, Ordinary People, on en reparle tantôt. Là, clairement, ça marche pas ce que t'as dit. Simple ways to get to simple happiness. We have ordinary problems and ordinary fears. We go take care of our business. That goes on and nothing changes. We don't understand much about those big shot politicians. Who's got most of them firecrackers to blow up in our faces? I bet my shirt that way back there in the USSR, people think like you and me, hoping that goes on and nothing changes. So I say, we are ordinary people and our stuff has no color, red or white. We are ordinary people, no matter what we stand for, all in all, we're all the same, and it don't matter. In the USA and the USSR. Well, I wonder what the Soviet Rambo looks like in their pictures. Well, I'm sure as hell he's just as sweet as ours. Well, there's got to be some Russian sting who sings about us people and our strongest will to live in peace. But the light goes on and nothing changes. I say, we'll be right back. Je voulais mettre un sketch, puis là, il veut pas. Il est pas parti. Okay, ah, tiens, ben, je vais le mettre dans l'autre, attends un peu. C'est qui va avoir le dernier mot? C'est moi, man. Pis c'est important, je pense, parce que ça en est un original de la cause, et puis ça a été fait avec notre ami Olivier Double G, là, Graton Gagné, là, puis tout. Là, ça me donne franchement envie, ce son-là. Ouais, hein, c'est... puis ça goûte bon, en plus, en affaire. C'est pourquoi, là. Bon, comme une fontaine feng shui. Dans ta bouche. Dans ta bouche. That's what she said. C'est bon. Hey, elle est vraiment bonne, la chanteuse, hein? Hein, une chanteuse? J'étais sûr qu'il y avait un uretre et puis, tu sais, bouchon impliqué. Non, là, la chanteuse, là, est vraiment bonne. Bonne? Chanteuse? C'est parce qu'elle est handicapée. Elle est bonne, hein? Elle est très, très bonne, la chanteuse. J'en ai une chanteuse handicapée qui chante un peu comme ça. Ah ouais? Je vous mettrai ça un jour. Hey, j'ai hâte. C'est pas Madame Souris. Ta chanteuse personnelle handicapée? C'est, oui, j'en celle ai. Celle qui t'accompagne je l'ai tout le temps, elle est dans mon sac. Elle me dit des Pop Rocks. Corbin Pop Rocks, ouais. Man! Il canne Bruno Corbin, tout de limite. Corbin, voilà. Tout de limite. Quand ils sont moins gros, ils popent un peu moins, c'est moins le fun. Une femme en Angleterre souffre d'une curieuse réaction lorsqu'elle mange des sandwichs. Elle s'évanouit. Les médecins de l'université de Birmingham ont examiné la femme de 25 ans qui se plaignait de courts épisodes alors qu'elle se sentait étourdie et avait des nausées. À plusieurs reprises, elle se serait écroulée même. Après une série de tests inconcluants, les médecins ont découvert que le problème survenait lorsque la femme mangeait certains types de nourriture, particulièrement les sandwichs et les boissons gazeuses. Le docteur Christopher Booth explique que, après lui avoir donné un sandwich à manger, elle a souffert immédiatement d'une anomalie électrique au niveau de son cœur qui a arrêté de battre pendant 2 secondes. La patiente s'est sentie étourdie et a failli s'évanouir. Le diagnostic, syncope de déglutition, une condition très rare qui cause la perte de conscience lorsqu'on avale. La jeune femme a maintenant un pacemaker. Mais oui, c'est une condition qui existe et qui est rare, mais... stimulée par des sandwichs. Pourquoi juste le sandwich? Ben, des... probablement parce que c'est plus difficile à avaler, je sais pas. T'avales plus fort. Ouais, c'est ça, faut que t'avales plus fort. Ouais, lorsqu'on avale... Exactement. Voilà. J'avais même pas rien dit. Alors, on peut... je vais vous en faire une autre petite. Ben, certain, après ça, on va aller voir Jessica, là. OK. Parlant d'avaler. Alors, la Thaïlande... surnommé Pays des Sourires est à la hauteur de son nom. Les policiers de la route portent maintenant des masques de tissu qui s'accrochent derrière les oreilles et qui arborent un sourire. Les masques, affirme Somoïs, le commandant de la patrouille, servent à réduire le stress chez les conducteurs lorsqu'ils voient un policier. 200 cabines pour policiers distribueront bientôt aussi de la gomme à mâcher, des menthes et de l'eau bénite pour calmer les conducteurs lorsqu'ils sont approchés par un policier. Voilà. Alors, des mentes et de l'eau bénite. Ouais, pour les calmer. Ah. Pour les calmer. Ouais. Disons que t'arrêtes un vampire, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose du genre. Un vampire qui a mauvaise haleine. Fait que c'est une personne proche de toi qui est en crise d'épilepsie. J'imagine que tu garoches un peu d'eau bénite puis elle devrait se calmer. Ben, faut que t'aies des mentes aussi. Tu lui donnes des mentes parce que ça pue de la gueule, quelqu'un qui est en crise d'épilepsie. Arrête de me lancer de l'eau, ben bénite. Ah ben. Eh bien. C'est bon à savoir. Merci Bruno. De rien. Hein, tu vois, 2009 commence bien. Hein? Ben oui, c'est des budgets. L'eau bénite, puis j'étais somnambule. C'est ça, des fonds publics qui ont de la lune. Ouais. Hey. Jessica, ramène-nous vers le sens. Oui, on va écouter un peu une merveilleuse chanson, Oxygène. Oxygène, mais quelle merveilleuse chanson chantée par Diane Dufresne et écrite par Luc Plamondon et Germain Gauthier dans les années 80. Moi, j'en ai besoin en ce moment parce que c'est ma première journée que je me donne le droit de sortir depuis la nouvelle année. En d'autres mots, que je suis capable de parler et de marcher plus de 5 minutes consécutives, ce qui est normalement simple à faire, mais... Rappelons-le. Toi, depuis le 2009. Oui. Donc, oxygène reflétait bien mon besoin qui, peu à peu, va être comblé, j'espère, à moins que la pollution s'en mêle de m'oxygéner le cerveau. Tout ça parce que depuis le début de la merveilleuse année 2009, j'ai eu le bonheur d'être récompensée par une fée maléfique quelconque qui a voulu que j'aie une gastro. Alors, merci, chère fée. Et donc, mon titre de Sexy Jessie a quand même des limites. Et on s'en rend bien compte aujourd'hui. Je suis barre de vomir à toutes les deux secondes, mais tout va bien. Alors, excusez-moi, je viens de roter. Depuis le 31 décembre, j'étais cloîtrée chez moi comme une bonne sœur fanatique de religion ou comme un citoyen fanatique de meurtre qu'on a mis sous les barreaux. Là, c'est à vous de voir laquelle de deux comparaisons vous préférez. Mais peu importe ce que vous choisissez entre la religion qui est supposément le bien et le péché qui est évidemment le mal, tout ça se termine quand même cloîtré dans ma métaphore ou en tout ça, en tout cas, c'est ce qui se passe ma tête. Et là, les curieux et perspicaces se demanderont, mais pourquoi mes comparaisons mènent à un destin aussi fatal que celui d'être prise au piège? Eh bien, on revient, je pense, initialement à mon manque d'oxygène. C'est bien ficelé, tout ça. Donc, j'ai survécu grâce au Gatorade, bonne nouvelle, ouais, qui m'a redonné la confiance en mon esprit sportif de toujours. J'imagine. C'est ça. Et ce matin, j'ai donc essayé de me reconnecter à la réalité des vrais Montréalais qui, eux, sont pleins d'oxygène. Pas facile de revenir dans le monde quand on végète dans notre lit douillet depuis 5 jours, parce qu'on est le 5 janvier. Et j'avais pas nécessairement le goût non plus de sortir de ce lit-là, parce que vivre en marche, ça devient dangereusement agréable. Mais donc, bon, je suis allée sur plein de sites web pour essayer de me remettre dans le bain, dont celui du magazine Nightlife qui faisait l'éloge des plus hautes parties du 31 au soir et qui nous invitait à satisfaire notre voyeurisme le plus pervers en regardant les merveilleuses photos de gens cool, pas comme toi, qui fêtent. Et là, je me suis dit, wow, Jess, c'est quoi cette attitude-là de non-championne? Va te laver, t'es encore en pyjama. Je devrais foncer vers 2009 en honorant les plus belles résolutions jamais entendues, faire de l'exercice, le respect et être une meilleure personne. Mais quand même, pour que vous essayiez de me comprendre un peu mieux, je dois vous avouer que depuis une semaine, je me suis enfilée la saison 1 de Six Feet Under et les saisons 1 et 2 de Dexter en 2 jours. Ce qui pourrait quand même, en plus de ma gastro, avoir une incidence directe sur mon état causant un désordre psychotique. Donc oui, trop de télé, c'est néfaste pour les parents qui n'ont pas encore trouvé la conviction. Ben, la conviction. En fait, oui, la maladie, ça aide pas non plus. Et oui, il faut prendre de l'oxygène. Alors sinon, on se met à chanter comme Diane Dufresne. Et donc, suite à cette étude de mon propre cas, j'ai bien voulu vous faire part ce soir de mes émotions les plus secrètes. Et contrairement à tous les débiles qui vont vous dire des beaux souhaits clichés pour la nouvelle année, moi, je vous dis... avec raison, que je vous souhaite en fait bien de l'oxygène pour 2009. Ah. Oh oui, oh, minimum. Hein? Bon, minimum. Beaucoup d'oxygène. Mais, ouais. Mais pas trop. Non. Non. Ça, ça prend, l'azote est important dans le mix. C'est ça, ouais, c'est ça. On parce que s'il y a juste de l'oxygène, t'allumes ton lighter, t'exploses. Plus de monde. Mais le moment où j'aurai trop d'oxygène, je reviendrai vous parler sur ce que ça fait sur mon propre système. Enlevez-moi. C'est bon. Enlevez-moi. Enlevez-moi de l'oxygène. Enlevez-moi de l'azote. L'azote, c'est inconnu. Hey, merci beaucoup, Jessica. Ah, plaisir. Hey, là, il y a Forêt, il y a Jessica, les deux vont mal. Oh, ouais, on a mal en c'est dedans. Il hein, y a juste moi qui est encore neutre, crème d'habitude. Mange plus de poppers. Comme d'habitude, attends un peu. Là. Attends, je... Non, non. Je suis très neutre. J'insiste. Forêt. Ouais. Donne-toi de l'oxygène. Oui, je vais arrêter cette chanson et on va passer à quelque chose de plus déprimant encore que l'histoire de Jessica. Quoi, de plus, quoi de plus triste? C'était fort, son affaire. Oui, oh, ouais, mais je peux aller bien plus loin que ça. Et que ça sonne comme un défi. Quoi de plus triste que quelqu'un qui est supposé faire rire, mais qui est triste lui-même? Ah, le clown est triste? Eh oui. Je crois que la seule chose plus triste que ça, c'est un clown triste chanté par Pierre Bellin. Donc, le clown est triste, évidemment, avant d'être une blague de RBO, c'était une blague de Pierre Bellin. Jusqu'elle ne le savait pas encore. Donc, évidemment, elle raconte le sempiternel paradoxe du gars triste et tanné de la routine, dont le métier est tout de même de faire rire les autres. On voit que c'est pas facile, on le sent dans la chanson. Sous son regard d'enfant perdu. Probablement qu'elle parle de son père. Soir, possiblement. Ah ouais. Toujours de late great Pierre. De late great Réal. Réal père. Réal fils, d'ailleurs, a déjà dit que t'as pas le choix d'avoir le sens de l'humour quand ta demi-sœur, c'est Pierre Bellin. J'ai tendance à le croire. C'est une façon polie de passer un message. Oui, clairement. On va juste rendre au début du refrain. Le clown est triste. Il se sent fatigué. Pauvre clown. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus triste que ça? Ben oui, il y a quelque chose de plus triste que ça. Voler l'innocence. Deux clowns tristes? clown triste dans deux poubelles? Avec un nez de bébé mort? Non. C'est pas du tout là que je m'en allais. Non, en fait, ici, on va écouter le grand succès de Claude François. Le téléphone a pleuré. Évidemment, c'est une métaphore. C'est pas le téléphone vraiment qui est triste. Qui pleure en tant que tel. Écoute... Maman est près de toi, faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est monsieur la dernière fois. Bon, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain. Et je sais pas si elle va pouvoir venir. Oh, bien sûr, je sais. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important. Mais il attend. Ah, c'est livreux un peu. Hey, bravo la petite. Mais c'est un caméo de Jordi? Non, c'est une petite fille qui s'appelle Frédéric. Elle est créditée que comme ça. Je sais pas c'est qui. Peut-être qu'aujourd'hui, elle se reconnaît. Si elle pouvait appeler sur le sel de Bruno, on l'apprécierait. Je vais le rallumer. Ouais, rallume-moi ça. C'était peut-être la jeune Frédéric. Frédéric. Je sais pas. Je sais. Écoute, hey, je suis capable, moi. Ouais. Écoute, j'étais à ton niveau, là. C'est pas facile, hein, parce qu'en plus, ce qu'on comprend en écoutant la chanson, si jamais on arrive à l'écouter plus loin que ce bout-là, c'est que Claude, le chanteur, en fait, c'est le père de la petite fille, mais la petite fille, elle sait pas parce que sa mère est partie avec elle, abandonnant Claude derrière. Fait que là, lui, il appelle puis il essaie de renouer les liens. Sans lui dire clairement à la fille, tu sais, c'est moi ton père, parce que tu es au téléphone de même, c'est un peu brusque. Donc, voilà, ouais, c'est ça qui se passe. Qui arrête de brailler, là. Ouais, ben, écoute, c'est elle qui est partie, mais c'est ça. Si on écoute Chantal Perry, il devrait arrêter de pleurer et passer à autre chose. Exactement. Ouais, mais là, il y a un enfant ici qui va grandir sans père, et puis ça, c'est triste. C'est ça, puis même la fille, elle dit tous les gens de ma classe ont deux signatures sur leur bulletin, pas moi, j'ai pas celle de mon papa. Alors ça, c'est clairement l'affaire qui te manque quand t'as pas de père, c'est qu'il te manque une signature sur ton bulletin. C'est la première affaire, moi, à laquelle j'aurais pensé. Donc, on peut changer rapidement de registre et passer à Julie Darèche. Vas-y, Julie Darèche, une petite dernière. Une dernière. C'est juste drôle parce que moi, j'imitais les signatures de mon père pour pas qu'il signe. Même quand on a un père, on veut pas vraiment qu'il signe. On n'est jamais content, finalement. Oh non, je suis dans le pétrin. Clairement. Il y a un bruit étrange en background. Bruno, qu'est-ce que t'as fait? Je viens de réparer l'horloge qui marchait plus, mais quand on la répare, elle fait un bruit content. Pour nous dire, tu nous as réparé. Ouais. Merci, merci. Merci de m'avoir réparé. Ben voilà, c'est terminé. C'est bien l'unique chose joyeuse qui s'est passée dans notre soirée. Oui, yeah! Ça me remonte la morale. Donc, Julie Barèche ici qui se demande combien faut-il de larmes pour noyer un chagrin. Ça, c'est de la métaphore, madame. Monsieur. Donc, évidemment, dans le country, tout le monde sait qu'il y a deux chansons sans cesse reprises avec des paroles différentes. La chanson « Pépé » et la chanson « Triste », comme on entend ici, qui est souvent appelée « Complainte ». Donc, voilà. Évidemment, Julie, avant de se demander cette question-là, s'est préalablement faite domper. Puis, c'est ce qui a mené à cette belle chanson. Et voilà, elle a partagé sa souffrance avec tout le Québec. Oui, c'est fait. Et maintenant, au-delà. même jusqu'en France. Au-delà des frontières. Oui. Fait que c'est tout. Merci Étienne, merci. C'est tout le temps le même sentiment qui m'anime. Oui, c'est l'ambivalence. Hein? Tommy, viens m'enlever le couteau des mains. Oui, c'est ça. Vite. Il va falloir faire un grillage prochainement. Là. Donc, on va baisser Darèche. Oui, combien de larmes. Ça pour se mixe pas. Chagrin, tristesse. Donc, on va retourner ici dans Ninja 3, la domination, pendant qu'on a Oh Certainly, Madame, of course, en trame sonore, en background, The Forbidden Ensemble. Certainly, Madame, of course. Anyway, le film de ce soir, c'est surtout l'histoire d'un ninja méchant. Ce qui veut dire incompris, hein, parce que les méchants, personne ne les écoute. C'est vrai. Des fois, ils se font appeler votre ignominie par leur sidekick, ce qui fait des affaires. J'ai lu en quelque part, d'ailleurs, une petite parenthèse, que la plupart des mad scientists sont en fait des mad architectes. Oh! Qui ont dévié de leur profession à cause des pulsions sociales indirectement, mettons. Exactement. Ouais. C'est vraiment triste, ça, pareil. C'est très plausible. Ouais. Hein. Donc, le film de ce soir suit les avatars d'un ninja méchant qui, virgule, suite à un contrat qui tourne mal, pas à peu près, va prendre quelques livres de plomb dans le corps avant d'aller agoniser dans les bras d'une femme presque aussi virile que moi. Le ninja laissera son sabre et sa vengeance à la somewhat belle avant de devenir un cadavre. L'hybride devient alors le centre de l'action. Il, elle, rencontrera son homologue, soit un homme aussi féminin que ma mère. Au travers de leur amour naissant, une solution au problème des meurtres perpétrés sous domination de spectres de ninja pointera. En effet, il ne faut pas oublier que... C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai. Seul un ninja peut détruire un ninja. C'est très, très c'est important. C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai. Seul un ninja peut détruire un ninja. C'est donc alors qu'apparaît Shokozugi, le héros des deux premiers volets de la trilogie, c'est-à-dire l'implacable ninja, le film à la fin duquel on entend « Amenez-moi mon ninja noir ou je fais un malheur ». Ça le prend là. Ouais. Et puis, bien sûr, Shokozugi, qui est un super gros ninja qui va faire ce qu'il faut, là. Parce qu'il est lui-même du bon côté de la force. C'était pas un ninja noir dans ce sens-là, mais y a-t-il déjà un noir qui a joué un... Parce que moi, je connais pas Ben oui, ben il y a Jim Kelly. Jim Kelly. Ben oui, il a joué de Black Ninja et de Black Samurai. OK. Mais c'était-tu le premier noir qui jouait un... Ben, à mon sens, oui. Ouais. Qu'il faut considérer, en fait. Voilà. Okay. Tous les autres. Il était dans Enter the Dragon avec Bruce Lee, Jim Kelly, c'est lui qui faisait l'homme le de noir. Couleur. Là, ouais. Voilà. Ok. Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais je me suis surprise sans à problème. Vraiment vouloir en savoir plus sur. Ça me fait très plaisir. Sur le ninja en tant que tel. On s'attendait pas à ce de que ça prenne. Ça vous interrogait. Pas pu me retenir. Là. Donc, ce qu'on a compris tantôt, c'est que la fille, après avoir fait sa déposition, après avoir vu le cadavre du ninja, est au commissariat, elle se fait crouser par un policier. Le policier veut lui offrir de la crème glacée, blablabla. Et puis là, ben la fille, elle veut pas, elle aime pas ça, les flics, surtout parce qu'elle est poussée par le flashback du ninja, elle a pas aimé les flics qui l'ont tué. Là, elle donne des cours d'aérobie. Devinez c'est qui que Maya. Ça fait une minute, ça. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, Je voulais surtout garder cette séquence pour la tour. Ça donne envie de faire de l'exercice. Je vais m'entraîner demain. J'ai dû manger une poutine. Donc, on est rendu dehors, et puis là, la fille, après l'entraînement d'aérobie, elle vient de se faire cruiser par le flic. Tu sais, elle a plein l'arrêt. Mais là, ça donne qu'il y a des gars qui sont en train de... C'est ça, de... D'essayer de la casser. Non, il essaie de violer une autre fille. Ah, c'est ça, OK. Fait qu'elle a pas rapport là-dedans. Sauf toi, je m'occupe d'eux. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, fait que là, elle dit... Pour qui tu te prends, toi? Pour quelqu'un qui supporte pas les lâches. Dis donc, tu veux qu'on te fasse ta fête, hein? Ta gueule, pour fond. Oh, t'as vu ça? Venez les mecs. Mais ça va mal tourner. Hey. Et vous, il y a un salope. À toi. Mais qu'est-ce que tu quand on cherche ta bagarre, on la trouve. Va te faire enculer. Mais c'est là. T'inquiète pas, c'est vrai. C'est une pauvre connasse. Donc vous entendez, il y a comme des gens en arrière parce qu'effectivement, il y a quatre malabars qui essaient de violenter une demoiselle pendant qu'il y a une foule d'environ 20 personnes qui en arrière. Qui n'intervient pas. Qui regarde et qui n'intervient pas. Heureusement pour le bon droit, la fille qui est maintenant possédée par un esprit de ninja va coller la peau de la brèche. Et la foule est en délire. Et applaudit la jeune femme qui sait se défendre. Qui très bien se défend. Ouais. Hey, voyons. Donc ça tombe dans des dumpsters. Ça somme. Moi, je l'ai gardé cette séquence-là jusque-là pour ça ici. On n'oublie pas qu'il est flic, il veut la séduire. Et il était dans la foule. Pour quelle raison? Trouble sur la voie publique. Je vous arrête, mademoiselle. Et donc. Écoutez, si c'est pas une blague, je peux rien dire. Sinon, soyez gentil et m'emmerdez plus. Donc, la fille a empêché un viol. Mais t'as pris ça pour besoin de compétence pour casser la gueule à un type dans mon quartier. Mais ce n'était qu'une ruse du flic pour l'amener dans l'auto. Arrêtez-moi là. Ouais, une autre morale à retenir aujourd'hui. Arrêtez-moi là. Et donc, je voulais surtout avoir la phrase finale qui va sceller leur amour naissant. On va la voir bientôt. C'est mon problème. J'ai vraiment pas besoin. Il roule à l'envers dans un sens unique. Et surtout pas venant d'un flic comme vous. On y est. Écoutez, j'en ai plus qu'assez de vous entendre répéter que vous détestez les flics. Je peux vous dire quelque chose, vous qui n'avez pas besoin d'aide. Si je suis policier, c'est parce que j'aime ce boulot. Et si je vous déplais, c'est parce que je suis un flic. Alors vous allez vous faire voir ailleurs. Donc la demoiselle est maintenant charmée. Oui. Elle est maintenant conquise. Allez comprendre quelque chose aux femmes. Vous pouvez descendre. Mais c'est pas compliqué, il faut que vous nous repoussiez pour qu'on vous désire. C'est ça. C'est n'importe quoi. Je suis désolé de vous avoir fait de la peine. Ben voilà. J'ai pas ça. Ça garde la poche. Et donc, ça va être la fin des extraits pour ici. On va y revenir bien assez vite. Pour l'instant, on va écouter Onions Unleashed. C'est une tune de Buckethead. C'est pas mal bon, ça. Puis on va revenir pour le dernier bout de l'émission. Oui. Bon. Hey, kids. Onions here. And let's have a real good time. Oh, yes. Sure feels good to get down off that stick. I'll tell you, Scarecrow's life can be pretty monotonous. Especially when you can't scare anything. I can't even scare a tufted titmouse. Now, they call me Onions because because I'm sure to make you cry. Now they call me Onions, but I'm just a regular kind of guy. They call me Onions, I go great in someone's soup. Now they call me Onions, but I don't get to live in no coop. I got a shed instead. And now, every once in a while, I do get carried away, I must confess. Like to pull on that corn, you know, every once in a while. Yeah, you've been up here scaring crows all day, and well, you get a little thirsty, and then all of a sudden you just start to lose it. They call me Onions. I'm sure to make them cry. Well, they call me Onions, but I'm just a regular kind of guy. They call me Onions. Make for very good breath. Why they call me Onions? I'm bound to be the death of somebody. Now what we do is we take these body parts. Well, every once in a while there are a few body parts. We all got some body parts lying around, and we put them in these big sacks, these burlap sacks, and they're filled with onions, you see. And we sew the sacks back up, and then we throw them in the back of a truck and drive them off to the warehouse in Arizona. Bonjour, bande de chanceux qui, contrairement à moi, nul de l'Internet, avait la chance de syntoniser Israël et Tommy sur Choc FM, la radio web de l'UQAM. Réal V. Benoît de Superstar, Bruno Corbin de Superstar se charge. Voilà. Alors, comme l'argent est trop évident et les armes trop dangereuses, la CIA utilise de nouveaux moyens afin d'amadouer les chefs de tribus talibans. Un agent de la CIA en visite chez l'un de ses chefs a vu une opportunité en voyant que l'homme de 60 ans avait l'air beaucoup plus vieux que son âge et dont les devoirs de patriarche et de chef semblaient peser lourd sur les épaules. L'agent a donc fouillé dans son sac et a sorti 4 pilules de Viagra qu'il a offert à l'homme. En disant, prenez ça, vous allez adorer. Le pot de vin a fonctionné. Lorsque l'agent est revenu 4 jours plus tard, le chef lui a fourni une tonne d'informations sur le mouvement taliban et sur leur route d'approvisionnement, suivi bien sûr d'une demande pour plus de pilules. On reste dans la médecine. Un chirurgien plastique est dans de beaux draps parce qu'il a modifié le moteur de sa voiture afin qu'il roule au gras de liposuction. Je me reprends une shot. Pour vrai? C'est bien passé. Il a trop écouté Back to the Future. Plusieurs ex-patients poursuivent le docteur Craig Bittner pour avoir fait du village sur eux. Utilisé leur gras sans leur consentement. apparemment, ce n'est pas la première fois qu'un incident semblable arrive puisque l'État de Californie a déjà une loi qui bannit l'utilisation de restes humains comme carburant pour véhicules. Voilà. Eh bien, la loi est bien faite quand même. C'est mon père! Calvaire! Moi, je vais passer play ça à la fin. On va voir que Ninja la domination, ils vont aller voir un exorciste ninja. C'est la seule solution. On est de retour à 70%. En force. OK. Merci. À la prochaine. Bonne semaine. Christy, qu'est-ce qui se passe? Où tu étais? J'en sais rien. Enfin, quoi, tu sais pas où tu es allé cet après-midi? Billy, ce que le médecin a dit, c'est des conneries. Je sais bien, moi, que ça va pas. J'essaie de lutter de toutes mes forces. Mais je sais pas contre quoi. Contre qui? Je sens qu'il y a quelqu'un qui m'observe. Il y a quelqu'un ici qui m'observe tout le temps. Bon, écoute, Christine, un de mes amis fréquente des gens d'Extrême-Orient. Et il connaît un exorciste, un religieux dont les Japonais disent beaucoup de bien. Pour ta gouverne personnelle, Billy, je crois pas du tout aux fantômes, aux démons, aux sorcières. Ou à tous ces trucs de contes de fées. Et moi, j'y crois. Et si tu perds la tête, croire ou ne pas croire, c'est pareil. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Billy Secord, je vous avais téléphoné. Oh oui, nous vous attendions, veuillez me suivre. Démarche que la vôtre qui vous amène en ces lieux. Il était temps. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Venez, suivez-moi. Nous voilà embarqués tous les deux pour le grand frisson. Il faut aller jusqu'au bout. Les chaînes sont une précaution pour le cas où l'esprit se mettrait en colère. Ne va même pas me demander ce qui me tourmente. Détends-toi. S'il vous plaît, reculez, monsieur. Ne t'inquiète pas. Je suis là, chérie. Bonjour et bienvenue à Écran Total. Préparez-vous à décoller pour cette émission spéciale Rétro 2008. Et oui, Valérie Ouellet au micro, moi-même et toute l'équipe allons faire un tour d'horizon de 2008, un voyage dans le temps pour les cinéphiles. Nous allons vous présenter à l'écran cette semaine